Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 10e jour de la 3e lune de Sanguine 1131. Victor, tu es dans ta salle. Chose qui est sûre, c'est que après la mise à la gêne que tu as vécue, eh bien, on t'a pas immédiatement relâché, on t'a pas immédiatement donné simplement ton futur sort, puisque Victor, eh bien, tu sais maintenant que d'autres jours ont continué à défiler. Comme d'habitude, tu es très déboussolé, hein, tu as les mêmes manques de repères, il n'y a pas la moindre manière d'avoir l'heure, pas la moindre manière de voir s'il fait jour ou s'il fait nuit, mais de temps en temps, tu pouvais demander la date à une métropolite qui passait par là. Mmh. Ce jour-là, ce fameux 10e jour, ta porte s'ouvre et révèle un métropolite chétif que tu n'as jamais vu. Il a le sourire aux lèvres quand il fait « Ah, alors, la forme ?» Non. On va dire oui, mais bon, je serais mieux dehors. T'es pas au courant ? Eh, moi je viens te relaxer, c'est bon. Ah ! Tu sors aujourd'hui, hein ? On te l'a pas dit ? Non, non, j'avoue que tu me l'apprends. Eh bien, écoute, je suis content de savoir. La communication, des fois. Hein. Désolé. Bon, allez, viens, prends tes affaires. Ok, bah, je prends mes affaires et je suis. Ok. Victor, je te laisse retirer ça. Bonjour. Hugo, tu as passé quelques jours supplémentaires dans cette cellule, quelques jours supplémentaires en mise à la gêne sans savoir exactement combien de temps vient de passer. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose ? Tout va bien. L'esprit rongé par le doute, les remords peut-être, l'incertitude. Et ce jour-là qui t'est inconnu, ta porte s'ouvre de nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas quelques métropolites qui viennent te mettre à la gêne une fois de plus. C'est une seule personne. Tu le reconnais, c'est le métropolite qui joue un peu le cow-boy durant votre discussion. Tu vois qu'il ouvre la porte et s'adresse directement à toi. Bon, la nouvelle est tombée, vous êtes libéré. Il n'y a rien qui est retenu. Eh bien, quel soulagement. Ouais. Je te laisse prendre tes affaires et... Eh bien, je n'ai pas beaucoup, comme vous pouvez le constater. Je n'ai guère d'effet sur moi. Je ne peux pas en sortir. Et tout simplement, tu le suis. Kornilov, tu as passé pas mal de jours supplémentaires depuis votre mise à la gêne. D'après ce que tu as compris de conversation entendue ici et là, nous devrions être le 10e jour de la 3e lune de Sanguine 1131. Autrement dit, la lune qui vous restait pour préparer avant votre départ vient de quasiment s'évaporer et il vous reste que quelques jours, une dizaine, pour faire ce que vous voulez. La porte s'ouvre et tu reconnais la femme blonde qui se tient à la porte. Eh bien, Kornilov, c'est le grand jour. Tu sors de là, toi et tes amis, et pas de vague. Hein. Pas de vague. Tu vois qu'elle se retourne et sans un mot de plus, elle s'en va, laissant la porte ouverte. Esther, de ton côté, Esther, c'est un peu compliqué. On t'a laissé tranquille, étrangement, après cette mise à la gêne, pendant quelques jours. Tu as toujours ce problème de repère, tu ne sais pas quel jour on est, tu ne sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Et maintenant, ton seul moyen de trouver un peu un repère, c'est au bruit que tu peux entendre dans les couloirs. Tu penses que lorsque tu entends plus de bruit, c'est qu'il fait jour, et lorsque c'est plutôt silencieux, c'est qu'il fait nuit. Alors, dans un temps qui te semble être le jour, sans vraiment savoir, hein, la porte s'ouvre. Un métropolite apparaît. Il fait quelques pas et s'arrête en fait vraiment juste devant toi, la main sur sa ceinture. Madame Norhammer. Bon, t'es au courant de la nouvelle. Je hausse le sourcil en le regardant. Alors, on vous a pas dit, désolé, hein, vous savez ce que c'est que le manque de communication, des fois. Bon. Madame Norhammer, vous êtes relaxée, vous et vos habits, et c'est avec plaisir que notre collaboration continue. Je le regarde comme ça. Et j'arrive pas à croire à ce qu'il me dit, en fait. Dans ma tête, je me dis que c'est un piège, mais là, sur le coup, je dis rien. Tu vois qu'il retourne vers la porte. Et bon, bah, vous pouvez me suivre. Vous allez rejoindre vos amis dans le hall. Et il s'en va. Ok, j'y vais. C'est le matin. Le soleil frappe énormément la devanture du bâtiment institutionnel du ministère de la propagande. Et vous avez le plaisir tout simplement de juste retrouver ce hall d'accueil dans lequel vous êtes passé plusieurs fois. Ce plaisir aussi de voir arriver un à un chacun de vos amis. Esther, Hugo, Kornilov, Victor, vous retrouvez après ce qui semble être plus d'une dizaine de jours à être séparés. Les mines sont fatiguées, mal rasées pour les hommes. Il y a clairement un côté... Vous sentez que vous avez tous vécu la même galère. Mais vous êtes là. Et pour la première fois depuis une dizaine de jours, vous vous retrouvez visuellement et vous pouvez parler à vive voix. Lorsque vous vous retrouvez, avant que vous puissiez dire le moindre mot, bah tout simplement, un métropolite arrive et vous explique que ça y est. Les charges n'ont pas été retenues contre vous et une autre piste est en train d'être explorée. Elle semble être la plus plausible pour le ministère de la propagande et cette piste-là, normalement, devrait mener à l'assassin de M. Landini. Et avant de partir, métropolite, alors qu'il vous indique la porte... vous fait un petit signe. Et... Par contre, vous n'êtes sûrement pas au courant avec tout ce qui s'est passé, mais faites attention où vous allez. La moitié de la ville est à feu et à sang. La révolte inoffensive n'en était pas une, et finalement ceux qui disaient ne pas prendre les armes est en train de les prendre. Alors pour l'instant, on essaye de gérer ça avec le ministère de la guerre, mais ça est en train de prendre certaines mesures, donc faites attention au quartier que vous traversez. Surtout avec vos uniformes. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Rentrez bien et désolé pour tout ça, mais content de savoir que vous n'êtes pas derrière tout ça. Vous n'avez fait que votre travail, on comprend tout à fait. Il vous salue et vous retrouvez tous les quatre dehors, juste plantés là, devant le ministère de la propagande. Je vous laisse. Vous allez bien ? On vous a pas trop malmené ? Bien sûr que non. On a eu chaud. On a eu chaud en tout cas. Bien sûr que non, nous étions innocents, ils le savent. Ça, on sait que... Qu'on était plus... Mais... Ils ont quand même gardé, je crois, plusieurs jours. Donc, malgré tout, même si nous, on savait qu'on y était pour rien, c'est pas toujours évident, quoi. Ouais, je vous propose de peut-être rentrer au QG et de se reposer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'irais bien manger quelque part, personnellement. Oh, aussi, ouais. Un petit restaurant, un petit truc qui n'aurait pas encore pris feu. Faut dire que l'espèce de bruit des feux de jour n'était pas des plus appétissantes. C'est vrai. Vous voulez vous reposer ? Vous avez entendu ce qu'on vient de nous dire. La moitié de la ville est à feu et à sang, des barricades sont partout, tenues par une bande de dieux, se prenant pour des artistes. L'ordre même de notre ville est menacé, et vous pensez que c'est l'heure de la sieste et du repos ? Mais enfin... Hugo, la moitié des métropolites qui ne sera pas occupée à gérer la révolte sera occupée à nous suivre discrètement partout où on va aller durant les 3 prochaines semaines, voire les 3 prochains mois, donc... T'en fais pas pour ça, on attend d'aller se poser et de prendre un truc à grignoter. De toute façon, il faut qu'on discute. Actuellement, la priorité, c'est pas la vie. C'est le ministère de la propagande, enfin. Écoute, nous avons été déclarés innocents, nous sommes innocents. Oui. Je ne vous laisserai pas dire de plus notre institution. Oui, mais je pense qu'en ce moment même, le ministère de la guerre se charge de faire régner l'ordre en ville. Ils n'ont pas besoin de nous... pour l'instant, auquel cas on nous aurait expressément envoyé sur les lieux, ce qui n'a pas été le cas. Je pense que là, maintenant, nous avons besoin de nous reposer pour être à 100% par la suite. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a toujours une affaire à résoudre. Et notamment... Enfin, bon. Allez-y. Trouver qui a pu, du coup, tuer Malandini, quoi. Parce que c'est quand même notre chef. Et trouver du procedimento aussi. Maintenant, oui. Si jamais tu veux aller défendre la ville, vas-y, on ne te retiendra pas. Eh bien, primo, ce n'est pas notre enquête. Deuxio, enfin, vous savez très bien, mon très cher Victor, que la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée aux militaires. Ces personnes-là ne font absolument pas le savoir requis et nécessaire pour mater ce genre de choses. Nous ne parlons pas d'un conflit ouvert et organisé en belle bataille rangée sur des belles chemins, des belles traverses. Nous sommes là, aucun échassier ne sera d'utilité ici, vous le savez très bien. Oui. C'est l'information, la contre-information et l'information, je le dis des fois, qui sont la clé de la victoire. Et nous ne pouvons pas laisser ainsi notre ville dépérir et qui sait ce qui pourra arriver si ces gens-là triomphaient. Oui, mais... Vous savez très bien que c'est la suppression du ministère de la propagande. Vous l'avez entendu, vous étiez présent. Oui, mais on ne nous a pas demandé d'y aller. Là, tu es en train de décider par toi-même d'aller sur les lieux, alors que ce n'est pas le cas. Et en plus, on ne sait pas où c'est exactement. À quel endroit... Eh bien, je serai... Je serais d'avis de retourner de ce pas à l'intérieur du ministère de la Propagande pour consulter nos supérieurs. Et je pense que, après que les ardeurs du petit peuple fussent calmées, nous pourrons reprendre nos enquêtes plus sereinement. Eh bien, tu sais quoi, mon petit Hugo, je suis d'accord avec toi. Nous, on va rentrer au QG pour ranger nos affaires et nous reposer un petit peu et préparer quelque chose à manger, pendant que toi, tu iras récupérer les informations au ministère et tu viendras nous les donner. Comme ça, tout le monde est content. Oui. Eh bien, qui l'entend ça aussi? À moins que Kornilov ait envie d'y aller aussi. Non, je pense que ce ne serait pas respectueux de la chaîne de commande de prendre autant d'initiatives. Je préfère attendre les ordres. Et on compte sur toi, Hugo. Eh bien, vous vous séparez, à peine retrouvés. Pour les trois personnes qui vont au QG, hein, vous allez faire une petite halte dans une auberge sur le chemin afin de prendre un petit repas, comme le suggérait Esther, parce que c'est plutôt une bonne idée de manger autre chose que quelque chose de cuisiné lui-même. Et je pense que vous n'avez pas forcément l'envie ni l'énergie de vouloir cuisiner maintenant. Alors vous allez dans une auberge, sachant que les prix dans les auberges sont faits pour être accessibles. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler un petit vocabulaire, mais dans Écrim, les mois sont des lunes, hein, parce qu'on suit un cycle lunaire. Pour comprendre vraiment le calendrier, c'est très simple, c'est juste que ça fait 28 jours, enfin 28 et 29, parce que le mois est découpé sur un cycle lunaire. Donc en fait, à chaque cycle lunaire complet, on change de mois, donc on change de lune. Bref, petit rappel. Et du coup, eh bien, vous prenez un petit repas. Alors honnêtement, comme je disais, les repas ne sont pas chers, hein, c'est quelques sous. Je rappelle que votre paye est de quelques hurles, l'inverse, quelques liches, pardon. Les sous étant en dessous du hurle, c'est vraiment en fait quelques centimes pour vous à payer. Et clairement, aller dans une auberge et dire que c'est le ministère de la Propagande qui paye suffit. La plupart du temps, on vous sert ce que vous voulez manger. Et donc là, vous mangez vraiment quelque chose d'assez bon, quoi. On va vous faire des œufs cuits vraiment au plat avec une miche de pain et un peu de champignons. Un repas qui change un peu, sans non plus être exotique. Et après ça, vous retournez au QG. Je vous laisserai discuter entre vous juste après. Je vais d'abord gérer Hugo. Et je reviens à vous. Enfin, je reviens vers vous. Excusez-moi. Hugo ? Tu retournes du coup à l'intérieur du QG jusqu'à preuve du contraire. Enfin, à l'intérieur du bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande. Et je te laisse me dire ce que tu fais. Eh bien, Hugo va se rendre tout d'abord dans le bureau, en espérant l'y trouver, de Alceo. Hugo, tu rentres dans le bureau d'Alceo, après qu'il t'ait simplement invité à rentrer. Il a la mine assez grave, mais malgré tout, tu vois qu'il est sincèrement heureux de te voir. Hein, et qu'il affiche un sourire un peu forcé, mais sincère. Eh bien... dis-moi tout. C'est lui qui nous a raccompagnés, j'ai pas compris ça. Ce que t'as dit, après qu'il t'ait renvoyé. Non. Ou alors non, c'était... ok, mal compris, désolé. Mes excuses. c'est juste pour ça. Métropolite Cleban, c'est ton rapport, monsieur. Bien. Pas grand-chose à rapporter, c'est toi qui as été dans Baudra ces derniers jours, mais... Comment ça s'est passé? Nous avons été innocentés, monsieur. Le ministère étudie une autre piste. Ça, je sais bien. C'est une bonne nouvelle. J'avoue que j'ai eu peur pour vous, mais... Je suis content. Il y a des raisons pour lesquelles tu viens me voir seul? Oui, je souhaitais m'enquérir de la situation de la ville actuellement et de l'application du ministère de la Propagande dans les événements fâcheux qui sont en train de se dérouler. Ah, ouais. Pour l'instant, les ordres sont clairs, on fait rien. On a un peu peur que les débouchés soient plus graves si on intervient directement. Le ministère de la guerre gère avec la gendarmerie la sécurité des citoyens, mais après tout, comme ils en veulent pour le moment qu'à nous, ministère, ça fait qu'entre eux, il n'y a pas de débordement. Donc à un moment, nous, on se fait discret. Les débordements se font discrets. Le problème qu'on a, c'est que il y a tout simplement les milices artistes, donc la police de l'œuvre et ce genre de choses qui appartient à l'artistocratie qui peut intervenir, et on connaît leur puissance de feu. On rappelle que c'est quand même grâce à eux que Venise n'a pas succombé pendant la guerre d'Acrimonie. Et le ministère a peur qu'il y ait une confrontation entre eux et nous si jamais on y va frontalement. Et si on se met à affronter frontalement la milice de l'artistocratie, on risque d'avoir de sacrés problèmes. Donc pour l'instant, l'artistocratie a pris part pour enfin, s'est rangé dans les rangs des insurgés, ou son engagement est encore en déterminé? Non, l'artistocratie nous soutient, évidemment, mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore fait l'unanimité. Ça fait que quelques années que nous sommes installés, et encore beaucoup de la haute ville et des décideurs nous voient du mauvais œil. Donc même si pour l'instant, les doges continuent de soutenir notre position, il ne faudrait pas donner des envies de prise de pouvoir à certains opposants politiques. Vous pensez aux l'histoire ? Non, je pense juste. Je pense juste aux bourgeois, aux ces gens-là qui ont du pouvoir, plus, pour le coup, d'Avenis plus que nous. Donc, le fait qu'officiellement l'artistocratie reste de notre côté est pour l'instant une force, et c'est pas le moment de faire basculer l'artistocratie dans un push qui mènerait à une guerre civile, quoi. Et donc, les ordres sont donc d'attendre tout simplement que les insurgés s'emparent des points stratégiques de notre ville et que... Enfin, non, vous savez très bien que cette chose est instoppable, comme tout bien comme moi. Si jamais nous n'en agissons pas maintenant... Nous sommes ministère de propagande. Nous ne sommes pas gendarmes, nous ne sommes pas ministère de la guerre, et nous avons d'autres choses à gérer. Nous agissons de manière moins frontale que ça, donc les ordres sont que pour l'instant, le ministère de la propagande ne s'implique pas directement dans ce conflit. Mais monsieur, nous devrions justement au moins utiliser nos justes compétences. Je pense bien sûr, je ne parle pas de fusiller tout un, ou d'utiliser la mitraille, je ne parle pas de tout ceci, je parle bien sûr de choses un peu plus discrètes. Nous savons très bien que... Certes, mais actuellement on a un autre problème à gérer, notamment le fait que nous avons personne actuellement à la tête des métropolites, personne pour prendre des responsabilités, personne pour faire ce genre de choix stratégiques, et qu'on a juste un conseil régent qui est là avec quatre métropolites qui s'en rendent plus se tirer le chapeau pour savoir qui finira grand métropolite, qui va vraiment prendre des décisions. Donc, je sais bien, Hugo, que c'est compliqué, mais là, à l'heure actuelle, je pense que le plus sage est juste d'attendre que les choses passent. Je ne voudrais certainement pas m'impliquer dans cette querelle de pouvoir, mais qui sont les quatre membres du conseil régent? Je ne les connais pas tous. Est-ce que par hasard, Dame Rosario ferait partie du conseil? Oui. Oui, c'est même celle qui est la plus susceptible de prendre la relève de Cagno, parce que celle était très proche de lui et connaissait certaines choses par rapport à la ville, aux métropolites, et du coup, pour l'instant, on a l'air de se diriger vers elle comme nouvelle grande métropolite. Mais ça prend du temps. C'est elle qui nous a interrogé. Enfin, personnellement, c'est elle qui m'a interrogé. En compagnie d'un autre homme. Notre métropolite, j'ai oublié son prénom, elle a l'air d'être une personne de grande compétence. Oui, elle l'est, et puis C'était une excellente enquêtrice, hein. Elle a fait parmi les meilleures enquêtes de Venise, donc on peut lui faire confiance, ça sera une bonne dirigeante, j'espère. Un peu moins tyrannique, j'espère. Vous savez si elle est actuellement dans le ministère ou bien elle est sur le front où se passent toutes ces transactions Je vois. Elle est dans le ministère parce que actuellement les quatre métropolites sont en plein dialogue pour voir de l'avenir du ministère de la propagande. Et quant à la situation de la ville, c'est surtout le sud qui s'est un peu enflammé. On a un tout petit peu de quartier nord, mais pour l'instant, l'est et l'ouest est calme. Très bien. Bah, tout ceci étant bien sûr l'épicentre. Enfin, l'épicentre de tout ceci étant bien sûr dans le quartier du livre. De l'arbre. De l'arbre. Oui, c'est. Mais honnêtement, parler de centre, c'est un peu compliqué. De ce que j'ai compris, c'est assez. Assez dispatché. C'est plusieurs groupes indépendants qui se disent sous la même volonté de. Oui. Mais Hugo, je vous conseille honnêtement de surtout après la douzaine de jours que vous venez passer de prendre du repos. J'aimerais pas que la fatigue fasse que je vous perde maintenant. 12. Mais il me semble, je n'ai plus la date exactement de votre arrestation, mais. Vous êtes certain ? Certains non, mais vous vous souvenez de la date dans laquelle vous avez été arrêté ? Je dois dire que ma mémoire me fait défaut. Ouais, eh bien. Ou bien était-ce le 29 de 7 de non 2 de sanguine. Oui, on est en sanguine, je le dis à chaque session. La teinte ne change pas, l'année ne change pas. Si c'était le 29, ça fait 11 jours que vous êtes enfermé. Et honnêtement, Hugo. Vous devez partir pour Paris d'ici une dizaine de jours, donc n'allez pas vous blesser maintenant, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Sauriez-vous me procurer, je ne voudrais point abuser, une tablette de cire et un stylet ? Oui, oui, bien sûr. Tu vois qu'il sort une tablette de son bureau et il te l'attend. Merci beaucoup. Je vais prendre congé, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Mais vous savez très bien que vous pouvez faire appel à nous en toute situation, si vous en voulez. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais sortir. Ouais. Et je vais, dans un couloir, graver un message sur cette tablette de cire. Et ouais. Je vais la laisser. Je vais me rendre dans le bureau devant le bureau, je vais essayer de le trouver, de Dame Rosario, et je vais l'y laisser. Je t'enverrai ce que je dirai plus tard dessus, comme ça on peut. Voilà. Okay. Mais voilà. Ok. Eh bien, je note et tu le laisseras du coup au niveau de son bureau qui est vide pour l'instant parce qu'elle est dans le truc du conseil, donc tu fais ça sans être vu ni connu. Je te laisserai du coup m'envoyer ça en privé et moi je vais passer du coup à nos amis qui sont allés au QG. Vous, métropolite, qui sont rentrés se reposer, vous retrouvez votre QG après 10 longs jours d'absence. Quand vous ouvrez la porte, vous avez la non-surprise, mais peut-être un peu déception de voir votre QG un peu retourné. Les meubles qui ne sont pas de métal, eux, ont été totalement bougés. Et tout est un peu sans dessus dessous. Vos bouteilles d'alcool sont totalement dispersées un peu partout. Enfin, bref, c'est clairement pas le décor idéal pour le repos dont vous rêviez. C'est sûr. Vous entrez. Et je vous laisse donc me dire un peu ce que vous faites. Est-ce que vous voulez discuter? Est-ce que vous êtes vraiment en repos avant tout? Dites-moi tout. En fait, moi, machinalement, je vais tout en rangeant un petit peu, ramasser ce qui est par terre ou et le poser pour que ce soit un peu propre rapidement. Poser la question aux deux autres et dire on vous a dit quoi pendant votre interrogatoire? On était tous soupçonnés. A priori, il y avait des éléments, dont peut-être certains éléments dont on n'avait pas forcément connaissance, qui indiquaient que certains pourraient être plus ou moins impliqués, notamment toi, Kornilov. À ce moment-là, je me retourne vers lui. Mais qu'ils avaient d'autres pistes en tête. Et visiblement, si on nous a libérés, même si j'imagine qu'on ne pas être surveillés hautement les prochains jours. Visiblement, ils ont peut-être au moins trouvé la bonne piste ou au moins une autre piste plus intéressante. Et vous? Moi, je vais être franc avec toi, Esther, mais pendant mon interrogatoire, ils ont beaucoup mis l'accent sur vous deux. Enfin, elle a beaucoup mis l'accent sur vous deux. Enfin, je ne sais pas qui vous a interrogé. Moi, c'était une femme. J'ai un petit peu parlé de ce qui s'est passé. J'ai préféré jouer plutôt franc jeu avec eux parce que je pense que si j'avais menti ou quoi, ils l'auraient su de toute façon. Mais il y a quelques détails que j'ai omis de dire volontairement. Notamment une chose qui, à la fin de l'interrogatoire, m'a été balancée un petit peu à la volée, ce qui m'a un petit peu perturbé. C'est que j'ai jamais dit à un seul moment que une des deux personnes qui est allée voir l'artisan, et notamment la deuxième personne, qui était une femme, avait les yeux verrons. Et au moment de sortir, cette femme m'a dit qu'elle trouvait plutôt bizarre que je n'ai pas fait mention des yeux verrons. Et sous-entendu, qu'elle parlait de toi, Esther. Oui, ils m'en ont parlé aussi. Pour mettre une espèce de coup de pression au début avant de me révéler qu'ils avaient trouvé des espèces de lentilles pas loin de l'usine où on avait été allé. Visiblement, quelqu'un a tenté de nous piéger. Ah, ça, elle m'en a pas parlé. Oui, j'imagine que si elle me faisait passer pour coupable, puisque de toute façon, le fait que quelqu'un se fasse passer pour moi m'innocente pas pour autant... Elle aura peut-être tenté de te monter contre moi et voir si je balançais des informations. Je sais qu'elle a fait un petit peu la même avec vous aussi. Bon, plus Kornilov, mais un petit peu toi également, avec des accusations un petit peu étranges. Oui, elle m'en a parlé aussi. Elle trouvait bizarre que je me sois rapproché de l'antenne. Voilà, exactement. Pendant cette mission, Elle m'en a si on avait un... tous une bonne raison de pouvoir ou d'avoir voulu se prendre à lui. La seule personne dont elle ne m'a jamais parlé, c'est Hugo. Ouais, pareil. Enfin, à peine, c'était leur dernier soupçon. À aucun moment, elle n'a fait allusion à Hugo comme une personne suspecte. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'a dit Hugo, mais... voilà. Et toi, Kornilov? Eh bien, pour être honnête, parfaitement honnête, pour dire toute la vérité et rien que la vérité jusqu'au bout, je sais qui a tué Cagnon. Quoi? Procédimento? Je sais qui a tué. Non. Je sais qui a tué Cagnon, ou en tout cas, je sais qui l'a voulu mort. Vous voyez, j'ai mes talents. Je pense que vous pourrez en reconnaître en quelques-uns. Et il se trouve que pendant l'interrogatoire, j'ai assez bien cerné notre interrogatrice, qui était une grande amie de Cagno et qui est très haut placée. Et je l'ai simplement confrontée à ce sujet. Et si nous sommes dehors, c'est... grâce à moi. Mais dis-nous en plus, qui serait donc le coupable ? Eh bien, c'est notre interrogatrice, madame, j'ai oublié son nom, je lui ai demandé, mais Rosario quelque chose. C'est elle qui a voulu Cagno mort. Ce n'est sûrement pas elle qui l'a fait, mais c'est elle qui l'a voulu. Je lui ai dit que je savais, que je l'avais deviné, et elle a décidé... de chercher plus un accord entre nous qu'à nous jouer les uns contre les autres. J'imagine qu'à la base, nous étions censés être les faux coupables pour qu'elles s'en sortent bien. Okay. Tu connais les raisons derrière tout ça ? Le pouvoir, simplement. C'est sûrement elle qui va hériter de tout ça. Probablement, oui. Ils avaient l'air d'être assez proches... Donc je ne sais pas s'il y a de liste d'héritiers ou si c'est une espèce de vote ou de succession logique, mais dans les trois cas, j'ai l'impression qu'elle serait bien partie pour lui succéder et prendre le contrôle de la ville. Voilà. Malheureusement pour elle, les récentes émeutes semblent compliquer la tâche. Ça paralyse sûrement un peu les choses. Cependant, l'accord que nous avons passé... Vous vous doutez bien qu'il a fallu payer quelque chose aussi de notre côté. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit sur notre libération, mais il y a de fortes chances, peut-être des chances très obligatoires, que nous ne quittions jamais Paris une fois que nous y serons partis. Eh bien, on ne m'a jamais parlé de tout ça. Tu es le seul a priori à avoir eu cette information. Ouais, tu m'embouches un coin. Vous le savez, et Hugo le saura quand il reviendra. Donc, ce qui fait qu'il nous reste très peu de temps pour trouver les procédimentos. Si on doit le trouver, bien évidemment. Personnellement, j'ai quelque chose à vous proposer. Ouais. On prend la journée tranquille pour aller se poser encore une fois dans un petit resto. Cette fois-ci, on reste sur place et on mange longuement. On prend du repos et puis le soir même, on va chercher des armes. Avec Kornilov, on a quelques contacts dans une taverne où on aimait bien aller. De quoi faire quelques cocktails Molotov, ce genre de trucs. Et on débarque chez Monsieur de Cuivre à la nuit tombée. De cuivre. L'hôte du majordome, celui qui doit rester enfermé dans une chambre pour cacher sa maladie. Ok. C'est radical, mais... Honnêtement, on n'a plus beaucoup de choix, sinon on risque de se faire... Enfin, je veux dire, dans tous les cas, on n'aura jamais le temps de mettre en place le plan qu'on avait prévu. De toute façon, il nous fallait l'accord de Kenyo. Quoi qu'il en soit, maintenant, on sait maintenant que Baletti et Azinati sont vivantes. On le sait maintenant. Ouais. Et tu veux faire quoi de cuivre ? Pardon. Alors, juste avant, si vous voulez mon avis. Juste avant. Je considère qu'Hugo arrive, comme ça il peut rentrer dans la conversation et ça sera quand même plus simple pour lui. Ouais. On sait que c'est toi, Hugo ! On va te buter ! Re-salutation, Hugo. Re-salutation. Alors, on fait quoi ? Ils ont dit quoi, les patrons ? Eh bien, comme d'habitude, monsieur Alceo semble se complaire dans l'inaction. Et le ministère se cantonnera à l'inaction dans sa globalité, bien sûr, alors que la cité est à feu et à sang, et qu'une bande de barbares tente de s'emparer de nos biens les plus chers. Mais bien sûr, ceci vous le savez déjà, les quartiers les plus pris par l'insurrection sont ceux du sud et quelques-uns du nord. Maintenant, sachant que le ministère de la guerre a les choses en main, nous pouvons espérer que cela se règle par un joyeux bain de sang, mais malheureusement, je pense que ça ne se passera pas aussi facilement. Oui. T'inquiète pas, Hugo, Esther a des réjouissances pour toi qu'elle va te proposer. Mais bien, je résume. Concernant la situation, sachez qu'une lutte de pouvoir intestine a pris part, a commencé dans le ministère entre différents métropolites et notamment cette personne qui m'interrogeait, je ne sais pas si c'est vous, il s'agit de Dame. Comment aurais-je pu oublier son prénom ? Rosario, oui, voilà, c'est exact. Mm-hmm. Elle serait apparemment en tête pour succéder à Cagnon. Tiens, ça corrobore tout ce que tu nous dis, Korninov. À savoir ? Bon, et je prends connaissance. Là, on lui résume ce que c'est dit, je pense. Quoi ? Diantre ! Des luttes de pouvoir dans la ville ? Mais ce n'est pas possible ! Donc, flash forward, on avance. On y va. Et alors, vas-y, Esther, dis-nous tout. Bah, c'était à Kornilov, donc on résume tout le truc et puis je laisse Kornilov dire ce qu'il avait à dire. Vas-y. Ouais. Ce que j'ai à dire, c'est que bon, nous sommes là-dedans ensemble, je vais vous suivre là-dessus, mais honnêtement, elle a voulu le siège, elle va avoir le siège et il prend ses imento. J'en ai rien à faire maintenant. Je suis sans affaire. Voilà. Moi, pour moi, le procedimento, c'est un peu une affaire personnelle. Je pense que on en a trop bavé avec cette personne pour le laisser s'en sortir. Et je pense que c'est un challenge entre notre groupe et lui. Et si on arrive à le mettre hors d'état de nuire, eh bien, ça voudra dire que nous sommes meilleurs et que c'est tout. Nous sommes meilleurs et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Une affaire personnelle. Bon, alors, du coup, Esther, tu veux que on s'équipe et qu'on aille chez De Cuivre pour foutre le bordel, si j'ai bien compris. C'est ça. J'ai une intuition, je suis certaine que c'est lui. Lorsque je me suis retrouvé seul dans cette pièce avec lui, en entendant juste ce souffle étrange, j'ai ressenti quelque chose que j'avais pas ressenti depuis l'agression du monorail. Alors ouais. Certes, peut-être que je me trompe et peut-être que mes émotions prennent le dessus et peut-être que cette action me conduira à une exécution certaine pour avoir dérangé une éminence de notre société, mais au fond de moi, j'en suis certaine. Écoute, je te suis, Esther. Et je crois même que, avec tout le bordel qui se passe dans Venise, c'est à notre avantage. Puisque on pourrait tout à fait y aller en mode oublions. Nous ne sommes pas métropolites chez De Cuivre, en mode. Et on pourrait tout à fait faire passer ça pour des troublions qui sont venus perturber une grande maison de Venise. En effet. En effet, et si vous voulez aller là-dedans, chose qu'on aurait pu faire d'ailleurs avant notre procès, on peut travailler sur des costumes pour cette fois-ci, plutôt que d'aller voir les autres de la dernière fois où on y a été sans problème. Là, cette fois-ci, ouais. On pourrait se déguiser. Oui, voilà, il faut s'en passer pour les troublions. Mais, mes très chers amis, vous entendez-vous ? Oui. Vous êtes en train de proposer d'éliminer l'homme le plus riche, le plus puissant de la ville ? Sur les bases d'un soupçon ? Écoute... Bien que je ne peux pas infirmer ce soupçon, mais prenez acte que les conséquences de ce meurtre seraient bien, bien, bien pires que si jamais nous tombions dans la main d'Il Procedimento, s'il s'avère que nous nous trompions, ou même s'il s'avère que nous avions raison, et que nous... Enfin, parlons de Monsieur de Cuivre. Alors, on ne parle pas de meurtre, Esther, je suis bien d'accord, on ne parle pas de meurtre. Non, bien sûr. Non, vous voulez juste... quand je vous ai parlé d'aller massacrer du gueux à coups de mitraille, vous m'avez répondu juste, nous allons pouvoir faire couler un autre bain de sang. Vous ne parlez pas de meurtre, c'est ce que vous dites. Hugo, on en a déjà discuté. Vous rendez compte ? Nous parlons de Monsieur de Cuivre, nous parlons d'un marquis. Enfin, vous êtes complètement fou allié. Hugo, ce n'est pas possible. S'il te plaît. On a confronté deux personnes qui sont le médecin de la famille de Baletti et le majordome. Clairement, on a bien vu que un des deux mentait. En sachant que pour moi, et maintenant qu'on sait de sources sûres que Madame Baletti et Madame Asinati n'est pas morte, ça veut forcément dire, pour le coup, que le majordome nous ment et qu'il connaît et il a les réponses à nos questions. Et pour pouvoir avoir le majordome, il faut aller chez De Cuivre. Et en même temps, et je suis désolé de te montrer tout ça, mais il faut un peu démystifier ton ministère de la propagande, puisque des gens de notre... Non, mais des gens de notre propre ministère ont essayé de nous mettre à charge sur le meurtre que nous n'avons pas commis. Et si tu écoutes Kornilov, l'instigateur ou l'instigatrice de ce meurtre n'est autre que la personne qui nous avait inculpé de ce même meurtre. Et ce, dans le ministère de la propagande. Donc quelque chose ne tourne pas rond, et je pense que c'est au QG Indigo de rétablir la vérité et de faire tomber les masques. Tu n'es qu'un anarchiste, Victor. Je ne suis pas un anarchiste. Un patronien digne de ton rang. Je ne suis pas un anarchiste. Cette entreprise folle dans laquelle vous lancez nous coûtera à tous une vie bien paisible dans une... Enfin, alors nous tuerons et nous incarcérons le plus grand tueur de ces 20 dernières années. Exactement. Vous êtes complètement fou allié. Ouvre les yeux, Hugo. Arrête de vivre par le prisme de gens qui nous utilisent. Oh. Kornilov te l'a dit noir sur blanc. Tu m'as coupé. Cette femme nous ment. J'allais dire. Mais enfin, cessez de me couper, diantre. J'allais dire, mais ma loyauté est vôtre. Et si telle est votre décision, j'allais vous suivre. Enfin. Voilà, Victor, vous n'avez jamais été au théâtre. Votre éducation, vous ne savez pas qu'on interrompt quelqu'un. Ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue, Victor. Vous le savez très bien. Vous n'avez pas à m'interrompre, Victor. Oui, Victor, je réitère ce que j'ai dit. Vous êtes un palefrenier, indigne de votre rang. J'avais oublié votre... Hors de ma rue, Victor. Sortez du cul. J'avais oublié votre esprit de la mise en scène. Mais excusez-moi, on a passé 11 jours dans une salle sans même voir la lumière du jour. Je pense que l'on peut excuser un petit peu notre... Ce n'est pas une raison pour perdre votre rang, Victor. Oh. La noblesse, ça ne se perd pas. Oh. Un point, c'est tout. Bien, maintenant, confectionnons nos réquisitions. Bon, Cornilob, c'est clairement toi le professionnel du déguisement. Et de... Donc c'est à toi de nous conseiller. Eh bien, je vais me mettre au travail. Je ne confirme pas le fait que vous terminiez avec la même pilosité qu'au début, mais ça terminera comme il faudra. Ok, fais confiance. Cornilob, il est donc temps pour toi de faire un jet de dés. Je sais pas si tu te souviens, il y a des dés dans le jeu et il faut les lancer. Alors, oui, mais sans aucune blague, je ne sais plus comment... Tu lances 2 dés. Eh bien, ce n'est pas grave. Et tu ajoutes, tu ajoutes le la, ouais. Voilà. T'as compris ? L'attribut, quoi, qui est demandé. Sachant que là, ça sera du coup, comme prévu, représentation, il me semble, si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie. Ouais. J'ai le bouquin. Normalement, c'est ça que je t'ai fait. De toute façon, donc ça doit être. Ça revient même. On est d'accord. De manière, si c'est créativité, je fais la même chose. Ouais, mais. Déguisement. Oui, c'est bien ça, c'est représentation. Et donc, un jet de représentation, sachant que je t'ajoute pas de plus rapide ton trait, donc tu as droit à un bonus de plus 1. Donc tu fais ta compétence plus 1, plus le résultat de TD, et tu me donnes le résultat. Attends, quoi ? Montrer quoi ? T'as plus 1. En gros, tu me donnes ton résultat plus 1. Voilà. Okay. C'est genre un G pour tout le monde ou je fais un G pour tout, pour chacun ? Un G général pour voir le temps que tu vas prendre pour faire des déguisements. Okay. D'accord. Pas génial. Hein. Eh bien, ça va. Tu vas réussir à t'en sortir assez facilement. Les déguisements sont assez faciles à concevoir et tu peux même en récupérer quelques-uns parce que vous étiez déjà quand même un peu déguisé à un moment lorsque vous avez infiltré la guide de l'éventail. Du coup, tu peux réutiliser cette base-là et changer un peu le tout. Notamment, l'avantage, c'est que tu as déjà de quoi camoufler les yeux verrons d'Esther. Tu as déjà quelques petits trucs ci et là qui vont te permettre d'être tranquille. Et... En quelques heures seulement, donc 2-3 heures, le temps pour les autres de continuer de ranger le QG, etc. Tu vas avoir 3 costumes bien assez efficaces. Disons que quelqu'un qui vous connaît parfaitement, voilà, si vous tombez sur Oleg, il vous reconnaîtra. Mais n'importe qui n'est pas votre ami ne titrera pas que vous êtes la même personne. Et Victor... Du coup, officiellement, perd sa barbe. Yes! Sachant que les autres n'en ont pas, donc de toute façon, tu pourras pas trop jouer sur la pilosité des autres. Mais moi. Mais voilà. Pendant que vous rangez, je vais quand même donner un petit truc, c'est que, Esther, tu vas trouver à un moment une plaque. Cette plaque, en fait, elle va être posée un peu en vrac avec plein d'autres petits objets qui étaient posés sur votre petit canapé de tissu qui sert d'accueil normalement au rez-de-chaussée. Et c'est une plaque auquel tu n'avais jamais vue auparavant. Avec juste un seul mot écrit dessus. C'est négoce, le mot. Ok, évidemment, j'y jette un petit coup d'œil pour regarder ce qu'il y a dessus. Je me pose tranquillement sans rien dire. Tu remarques qu'il y est écrit négoce et que en bas c'est signé par C.C. Est-ce que la manière de faire de la plaque m'indique quoi que ce soit? Est-ce que ça viendrait de l'ancien truc? Alors, je te demanderais un petit jet de connaissance. Alors, c'est assez rare dans les crimes, et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt à propos. Un jet de traversologie, s'il te plaît. Mmh. Est-ce que j'ai un bonus étant donné que j'ai vécu sur les traverses ou pas du tout? Je te l'accorde. Donc bonus de type, je l'ai le droit de jeter un dé supplémentaire. Non, bonus de type plus 1, parce que le jet de supplémentaire, c'est ton idéal. Et faut ah oui, merde, oui. C'est vrai. Monsieur Bob, calmez. Du coup, cela fait un résultat total de 7. Ah, ok. Esther, tu as de la chance. Parce que ça te met super longtemps à revenir. En fait, au début, tu vas regarder ça et tu vas un peu oublier la plaque. Et tu vas avoir en fait une chance qui est en fait le fait que non seulement tu connais la toile, t'as pas mal voyagé, etc. Mais que Négos, c'est avant tout j'ai oublié les termes, je suis désolé, j'ai un peu de mal ce soir. Un croisement, je sais plus comment ils ont appelé ça dans les crimes. Enfin bref, en gros une petite cité indépendante qui s'est créée parce que plusieurs communautés s'est rencontrées, qui se trouve à la frontière de l'Antipoli et de la Pentapoli. Et tu peux même regarder sur la carte, parce qu'on a un petit salon de cartes dans les ressources. Et donc, si tu veux visualiser... Je le tends, évidemment, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je le tends, évidemment, aux autres en disant il y a quelqu'un dont le nom et le prénom commencent par C qui nous a écrit. Ça pourrait être... Kenio. Et je leur indique, évidemment, d'ailleurs, d'où est-ce que ça vient. Cette histoire de négoce, etc. Ok. On regarder là de manière méta. Tu veux dire, ben, c'est très très simple au final. Vous savez, non? Vous avez déjà compris? Non? C'est. Ouais? C'est pas sa copine là. Ouais, évidemment, oui, c'est Sophia. Oui, oui, c'est ça. Attendez. Parce que on l'a appelée comment? Je ne sais même plus comment elle s'appelait sa nouvelle identité. Cassandra. Celle-là. C'est. Voilà. C'est. C'est vrai. Et où est-ce que tu m'as dit que tu te trouvais, Margot? Alors, si tu regardes la carte. Que je viens de perdre, voilà. C'est entre Itar en Antipoli et Prague en Antipoli, et en fait, c'est la petite bosse pentapolienne qui remonte, et c'est Négos. Et c'est un tout petit point bleu, parce que c'est un petit croissant. Oui, c'est ok, je le vois. Visiblement, elle a rien compris à ce qu'on lui a dit pour m'envoyer ce genre de truc, et visiblement proposer un rendez-vous à un endroit ou à un autre. Et je jette le truc sur le côté. C'est la passion, c'est tout, ça fait faire des folies. Tu connais ça, toi, non? Pas du tout. Je suis quelqu'un de méticuleux, du début à la fin. Chirurgical. Aucune erreur, ouais. Aucune pression ne veut me faire agir dans le chaos. Bon. Bon alors on y va? Vous voulez qu'on se prépare? Est-ce qu'on fait quoi? On sort par la porte de derrière? Il me semble qu'il y a des escaliers à l'intérieur même des bâtiments. Au pire, on peut toujours descendre par un autre bâtiment qui se trouverait ici même. Je crois que c'est un man. Oui, ça on peut descendre par là-bas. Je croyais que tu parlais de chez le monsieur, mais non. Non. J'ai une idée. Mais pour ça, il me faudrait faire un rapide saut par chez moi. Ah, mais du coup, déguisé ou pas? En bicyclette. Pardon? Le souci se pose des déguisements. J'ai pas entendu. Il y a le souci des déguisements. Tu vas chez toi déguisé ou pas? Oui, je pense. Tu fais l'aller-retour chez toi déguisé ? Non, bah, faudrait pas... Oui. Faudrait pas que je sois reconnu, quand même, si. Ou alors si, faut que je sois pas déguisé. C'est mieux ? J'ai peur que qu'on soit suivi... Ah putain, bah oui, si je suis chez moi, si je suis chez moi, je suis déguisé. Ça fait le lien directement avec nos fausses identités. Je sais pas, vous en pensez quoi ? Et tu as besoin de quoi chez toi exactement ? Quelque chose d'assez spécial qui, à coup sûr, va me permettre d'être invisible. Invisible ? Bon, peut-être pas. Mais il y a une symbolique. Quoi ? J'ai pas envie de vous faire une légère surprise, mais c'est vous qui me dites, je sais pas. Écoute, je fais un jet d'athlétisme. Non, mais dans ce cas-là, au pire, tu vas chez toi. Pendant ce temps-là, nous, on peut essayer de faire le récupérer les armes et qu'on doit récupérer pour ce soir. Eh ben, c'est parfait. En attendant, et on se retrouve où du coup, Lester, Cornino? Enfin, au QG, ça c'est certain. Ouais, peut-être pas avec les armes, non? Et pourquoi pas à bord du hurleur? Je sais pas, vous en pensez quoi les deux autres? Avec Cornelia, on pourrait pouvoir se débrouiller d'y aller sans être reconnu et sans être vu. Ah mais oui, mais Oleg, il vous reconnaîtrait. Mais Oleg ne dirait rien. Bon, en même temps, je pense que pour récupérer des armes, ils vont pas demander aux métropolites. Ouais, bien sûr. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous emprunter quelques armes, des explosifs, des trois trucs qui brûlent, quoi. Alors, c'est pour rien, hein. On fait un petit feu d'artifice à la maison. Non, bah écoute, va chez toi, va récupérer ce dont t'as besoin. Mais okay. Essaye d'être discret quand même. Oui. C'est noté. Ok, ben moi je vous attends là, Cornilo et Esther, parce que je suppose qu'on va éviter tous se déplacer en même temps. Ouais. Yes. Alors nous, on va chercher des armes, c'est ça? Ouais. Pendant ce temps-là, je vais juste passer chez mon oncle pour lui dire que tout va bien. Parce que j'imagine qu'il s'est passé du temps depuis qu'il m'a pas vu, il va peut-être s'inquiéter. Donc je vais lui saluer, faire un coup. Ça passera inaperçu. Non, mais ça passera inaperçu. Je veux dire, c'est quelque chose que tu peux aller faire, d'aller voir ta famille quand même. Je pense que ça peut aller. Tu l'as déguisé ou pas? Bah non, j'y vais en moi. Mais tu t'es quand même fait rasé la barbe. Oui, mais je mettrai une apostiche dont Kornilov a en réserve. Ouais, évidemment. J'ai une réserve de poils roux, aucun problème. Ça marche. Donc tu vois. C'est ça, ça passe inaperçu. Du coup, Victor chez son oncle, Esther Kornilov au bar du hurleur, Hugo chez lui. Bien. Bien. Est-ce que vous voulez jouer quelque chose de particulier ou est-ce qu'on peut se permettre d'ellipser cette scène-là pour arriver un peu plus tard dans la soirée? Moi, j'ai rien à dire de précis, donc pour moi, ça peut être ellipse. Ok. Ellipse aussi, j'imagine. Ouais, nous aussi, je crois. Même si je vais faire un petit point avec Kornilov, je pense, sur le trajet. Lui demander s'il pensait vraiment ce qu'il faisait par rapport à le procédimento, etc. Lui partager mon ressenti. Du coup, ok, du coup, on va jouer ça. Et Hugo, de ton côté? Alors, moi, j'aimerais juste qu'on voit, du coup, alors, je pense, bon, et j'ai fait un peu l'initiative de prendre ça en espérant l'avoir, mais je suis quasiment sûr d'avoir ça chez moi. Je te demande si je l'ai ou pas. et tu me dis ce que t'en penses. Tac. Vas-y. Non, tu n'as pas de bazooka réaction. Raté. Tu n'as pas de mini nuke. J'avais. Tu n'as pas de super buteur. J'avais une bombe nucléaire sous le. Zut. J'avais une bombe nucléaire dans mon tiroir. Je l'ai mis où ? Tu as. Du coup, je prends ça. Ok. On va passer du coup à Esther et Kornilov sur le trajet qui vont pouvoir discuter un peu si vous le souhaitez. Je vous laisse. La scène est à vous. Est-ce qu'on attend quand même le soir pour qu'il fasse un peu plus sombre, histoire qu'on n'y aille pas en pleine journée? On peut attendre un petit peu plus, ouais, histoire de voir quoi en début de soirée peut-être, vu qu'il y a beaucoup de trajets quand même. Ouais, quand voilà, même que ça soit un peu plus sombre, pas forcément que ce soit la nuit noire, mais bah, au moins... De toute façon, le trajet pour Monsieur de Cliff, c'est quelques heures. Hein. Ouais. Au maximum sur des vélos et en y allant à fond, je vous le rappelle. Sinon, il faut compter un petit jour en y allant tranquillement. Et au niveau du temps, alors pas le temps, la mesure de temps, mais le climat, est-ce qu'on est toujours sur un truc très dégradé? Vous êtes en sanguine, mais vous commencez à arriver sur la dernière lune de sanguine qui commence à calmer un peu les tempêtes. La chaleur, par contre, est toujours là, elle est étouffante. Okay. Mais les orages, la pluie incessante, elle est plutôt rare. Ok, ça va. Bah, écoutez, je pense qu'on peut y aller. Bah, je laisse tous Kornilov et Esther qui voulaient discuter. Avant ça. T'en as vraiment marre de toute cette histoire, du coup ? Je pense pas que si on risque de finir nos jours à Paris, tu pourrais pas vivre toutes ces années avec la frustration de jamais avoir eu le procedimento. Écoute, Esther, est-ce que tu vois l'âge que j'ai déjà pour commencer ? Ouais, un certain âge. Certaine, quoi. Ouais, oui. Et au pays, dans le Lansk, j'ai déjà eu des problèmes qui me sont tombés sur le dos sans raison, je n'avais rien à voir avec ça. Et ça a ruiné ma vie là-bas. Et j'ai décidé cependant d'y rester pour essayer d'améliorer les choses, de remettre les choses dans le bon ordre. Et au final, me voilà maintenant, la cinquantaine, comme tu dis, à être clairement expulsé de chez moi, à devoir me refaire une toute nouvelle vie à Venise. Honnêtement, avec l'âge que j'ai, je ne referai pas la même erreur. La vie ne veut pas de moi. J'en trouverai une meilleure, qu'elle garde ses problèmes. Et ton mari ? Qui ? Ah ! J'irai sûrement faire un tour chez lui pour lui dire qu'il peut vendre mes meubles. Et la blonde de la dernière fois ? Laquelle ? N'importe. Ah, Charline, je me demande encore s'il y a une place dans mon véhicule ou pas, et... Olga, de toute manière, restera avec son père, donc qu'est-ce que ça m'intéresse ? Ah ouais. Et toi ? Je sais pas, ces derniers temps, tout a un goût si amer. J'ai souvent entendu dire des condamnés ou des gens malades que lorsque tu te savais que la fin était proche, chaque jour avait l'air... plus intense, que tout avait un goût plus particulier, que chaque menu, chaque restaurant, chaque boisson semblait tout de suite divine. Mais honnêtement, je trouve que c'est l'inverse. Tout a l'air si fade. La nourriture de ce midi avait un coup de poussière. J'en regretterais presque la bouillasse qu'on nous servait pendant ces quoi, 10, 12, 15 derniers jours. Alors que je me dis que si d'une manière ou d'une autre tout est fini, quoi qu'il se passe dans ces prochains jours et quels que soient les gens qui pourront se rendre à Paris, pourront se le permettre en tout cas, j'aimerais laisser le cadavre des proles Sidimento derrière moi et essayer de comprendre un petit peu tout ça. Quel que soit le prix à payer. Je vois. Si c'est fait dans les 10 prochains jours, bah écoute, ça me fera plaisir que ça te fasse plaisir, mais autrement, c'est de l'histoire. Ça. Je vois. Dans tous les cas, si jamais tu voulais pas t'impliquer là-dedans, dans le cas où nous pourrions nous tromper, on t'en voudra pas. Hein. Y a pas de souci. Honnêtement, vu jusqu'où on en est déjà, tous les deux, tout le groupe, bon, on va aller jusqu'au bout. Je pense quand même que nos derniers actes en tant que métropolite seront récompensés d'une manière ou d'une autre, où tout ce qu'on a fait était par pure gratuité et dette envers un système dans lequel on s'est précipité il y a de cela 6 mois. Je pense très certainement que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on va faire encore jusqu'à notre voyage à Paris n'aura aucune incidence dans le grand schéma des choses. Mmh. Je vois. Je pense oui que là-dessus on est bon, on continue notre route tranquillement et puis. Parfait. Eh bien. Vous décidez. Vous suivez le plan à la lettre, en fait, je sais pas ce que je raconte. Vous suivez le plan d'aller chercher des armes assez facilement. Et. Je lis vos bêtises en même temps. D'accord. Et bref, ça se passe plutôt bien, vous savez, rester discret. Et d'ailleurs, à vrai dire, le père du hurleur est plutôt vide ce jour-là. Pour pas dire qu'il est totalement vide en dehors de Sofiane. Quoi qu'il en soit, armé, alors quel type d'arme vous prenez à peu près? Comment vous vous équipez? Cocktail Molotov. Niveau pistolet et munitions, ouais, si tout change à peu près bien. Pas forcément besoin de gros calibre, seulement de quoi foutre le feu. Peut-être un bidon de pétrole aussi également, si jamais ça coûte pas trop cher, je sais pas à quel point ça peut être onéreux. Ou d'huile, d'une certaine manière. De l'huile plus, parce qu'on est, malgré tout dans un univers steampunk, hein, donc le pétrole n'est pas... Oui, c'est vrai. C'est de l'hydracrime d'ailleurs qu'on utilise pour tout ce qui est appareil volant, etc. Hydracrime que vous n'avez jamais croisé, mais c'est concrètement en fait une matière à base d'escrime qui permet d'être consommée comme du charbon. Bref, et pour tout ce qui va être brûlé, c'est plutôt de l'huile qu'on va utiliser que le reste. J'imagine que il n'y a pas d'explosifs ou de moyens d'en acheter, ou qu'on n'en a pas les moyens en tout cas. Alors, c'est une excellente question. Ça me permet de continuer à mettre du lore un peu de cet univers. Dans Écrime, comme ça, ça fait aussi un petit rappel pour les gens, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petit aparté univers. On se souvient qu'il y a une grosse peur de la technologie et des avancées. C'est pour ça qu'il y a les loges, c'est pour ça qu'il y a les concernes, etc. Et que tout est surveillé parce que la science doit être contrôlée, parce qu'on pense que Écrime, enfin, c'est la thèse principale, est né d'une plante créée par la science qui a dérapé. Et dans les tout simplement les traités inter-empire, dans les crimes, il y a des armes qui sont interdites, et notamment tout ce qui est explosif, parce qu'il y a eu la guerre d'Acrimonie, hein, il y a quelques années de ça, dans lequel, je rappelle, beaucoup d'explosifs ont été utilisés, et en fait, il y a eu beaucoup plus de pertes matérielles que de pertes humaines, et ça a vraiment choqué la toile entière. Parce que, pour rappel, dans les crimes, les ressources sont très importantes, parce que, bah, il n'y en a pas beaucoup, alors qu'il y a une surpopulation. Et du coup, tout ce qui est explosif, donc les bombes, les trucs comme ça, sont des armes interdites. Et le fait d'en construire peut faire que enfin, ça peut faire qu'un empire, ou du moins la faction qui les fabrique, peut se prendre un blâme de plusieurs empires, et notamment depuis qu'il y a une tentative un peu d'être inter-empire, notamment avec votre cellule, les trucs comme ça. Voilà. Si grave que ça, un crime de guerre. Après, vous pouvez essayer, si vous voulez, prendre le temps d'essayer de trouver des explosifs. Non. Peut-être qu'en ville, des gens vont. Peut-être que le bar du roller connaît des contacts. Vous prenez la solution un peu plus onéreuse, mais plus simple, de prendre plein d'huile et faire des cocktails, quoi. Alors. Juste, je sais pas si si on peut dire que je voulais demander, mais j'aimerais bien revenir que quand je suis vraiment comme ça, et j'aimerais savoir, est-ce que on peut dire que je leur ai dit de me prendre à fleurer et un pistolet silex, quoi. Ouais, pas de problème, je pense. Hein. Nickel. C'est une petite course, quoi. C'est ouais. Je suis parti chercher. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. C'est tout possible, à fait. Je considère que ça se passe bien. Ça serait beau, ça. On va être à 4 contre 1 contre un gars handicapé qui ne tient pas debout. Est-ce que ça existe des fumigènes dans l'univers des crimes? J'en ai jamais entendu parler. Les fumicrimes. On part du principe que oui, vu que c'est un truc vieux, vachement moins évolué technologiquement que plein de trucs qui existent fumée, quand même. Ou... C'est la fumée. Ah ouais. On peut, ça me dérange pas. Tant qu'on considère que c'est des fumigènes, genre, ah là, ça s'inscrit quoi, les trucs simplifiés, où c'est voilà, des petites bombes à fumée. Oui, c'est un truc à la con, ouais. Les drones, non. Ouais. Les kaijus géants mécaniques, on les a ou pas? Je vais prendre un droïde assassin, s'il vous plaît. Et un vaisseau. Pour aller en Paris. Et je voudrais un sabre laser aussi, s'il vous plaît. Non, ça c'était il y a bien longtemps, donc ça a été perdu. Quoi qu'il en soit, vous faites dans une galaxie course, fort lointaine. Et on va pouvoir revenir au présent. C'est-à-dire au moment où vous décidez de vous y rendre. Le soir est tombé, alors dites-moi un peu c'est quoi le plan, est-ce que vous y allez genre comme ça, vous y foncez et genre au milieu de la nuit vous allez débarquer chez lui, ou est-ce que vous y allez plus gentiment, vous attendez l'aube, vous vous dormez à l'auberge, dites-moi. Au milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, hein, je pense. On explose la porte d'entrée. Ouais. Attention, parce qu'elle note tout, hein. Ok. Avant de faire ça, j'aimerais introduire ma personne et mon accoutrement. Oui. Ah oui, tout à fait, excuse-moi, vas-y. Donc, alors, vous voyez débarquer... Ah oui, d'accord. yes. un accoutrement vêtu d'un magnifique manteau noir... qui le scie donc jusqu'à ses pieds et qui lui permet de cacher l'intégralité de son corps, ainsi que d'un magnifique haut de forme que vous avez déjà vu auparavant, accompagné par un magnifique masque vénitien de type carnaval. Et donc voilà, c'est comme ça que Hugo sera accoutré pour le reste de la soirée. On l'appelle la bête de Venise. Génial. C'est ça. En fait, il en laisse la cave juste pour pas qu'on voit quand il change. J'ai Du coup, une question, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez l'armement, enfin l'armement, l'équipement que vous avez pris. Est-ce que vous prenez tout ce qui est masse, tout ce qui est plaque? Est-ce que vous y allez comme ça, en mode, de toute façon, on s'en fiche, on n'est pas pour discuter? J'ai envie de savoir un peu ce que vous avez sur vous pour que ça se passe bien. Après, j'imagine qu'on doit transporter ça. Certaines choses doivent être dans un sac. Enfin, les choses qu'on peut pas forcément mettre dans. Oui, non, c'est pas la question de portée, c'est vraiment la question de qu'est-ce que vous avez sur vous et avec quoi vous comptez y aller. Bah après, là, vous êtes allé chercher quoi du coup finalement? Des fumigènes, des cocktails Molotov, des fumigènes Molotov, fusils. Donc munitions évidemment. Molotov, c'était de la création maison, hein. C'est pas vendu comme tel, parce que ça fait partie des explosifs, donc c'est. Et de l'huile avec de l'huile insulaire. Oui, donc c'est. Ça reste de l'huile de verre. Des bouteilles. D'ailleurs, avant d'entrer dans la maison, je vais déverser de l'huile incendiaire un peu partout autour. L'acier, ça brûle pas facilement, mais ça brûle. Ah, tu veux mettre le feu direct quand on rentre là, non? Non, je mets juste de l'huile. D'accord. Et s'il faut, on l'enfermera à l'intérieur et on y mettra le feu. Mais pour l'instant, juste de l'huile. Et donc, du coup, on a des quoi, des mousquets, des trucs comme ça, quoi, c'est ça? Des armes de poing genre en mousquet, hein, c'est ça? J'imagine des petits tromblons, des trucs comme ça, ouais, des trucs qui font beaucoup de dégâts, qui sont capables d'exploser un truc comme une procedimento. Ouais. Et une cour, hein, un fleuret. Ou un sabre. Oui, aussi, on a fait des petites courses aussi pour les armes. Et moi, après, je pense que je suis plus à l'aise. Ah non, même pas, en escrime, non, j'ai pas d'escrime. Donc, non, ce sera une. Je prendrai une arme de tir, hein, classique. Même si je suis pas bon en arme. Putain, je suis vraiment nul en tir, moi. Je sais pas tirer, je sais pas escrimer. Bon, moi, je crie, c'est tout. Là, là. Ça marche. On n'est pas dans mon domaine, là. Non, moi, je prendrai un bâton, c'est tout. Vous décidez de vous rendre là-bas. Vous traversez pendant quelques heures de manière intensive sur vos vélos, suivant toute la ville et par chance les quartiers dits tranquilles, puisque en dehors de l'insurrection qui est en train de se lever en ville. Je ne sais pas à quoi vous pensez à ce moment-là, parce qu'il est un peu dur de résumer une pensée de quatre personnes à part entière, mais quoi qu'il en soit, c'est que vous avez sûrement le cœur serré, le ventre noué. Et cette impression que tout va se jouer ce soir et qu'à l'aube, rien ne sera plus comme avant. Vous arrivez à la maison de cuivre et comme prévu, Esther, tu commences à déverser de l'huile, hein, un peu partout autour de la maison pour s'assurer que même si les choses tournent mal, vous aurez au moins cet avantage-là. Vous êtes tous les quatre face à la porte et avant de toquer, de rentrer, est-ce que vous avez quelque chose, des mots à vous échanger? Bon, Esther, Kornilov, Hugo, on s'apprête à faire quelque chose qui va avoir des conséquences importantes pour nous et peut-être pour la ville. Après, j'espère que on n'aura pas à arriver à des extrémités trop importantes. Si on peut éviter de tuer des gens, ce serait bien. Pas de soucis, c'est noté. En tout cas, sachez que quoi qu'il se passe, je suis fier de faire partie du QG Indigo. Je hoche la tête. Je sais pas si j'en suis fier aujourd'hui, mais dans l'idée générale, ouais. Pour être honnête avec vous, j'ai l'impression de trahir ce qui m'est le plus cher et mes valeurs et là où va ma volonté, normalement. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passera ce soir, je suis fier de faire partie du QG Indigo et de la cellule métropolitaine Terre-Empire. Parfait. C'est notre signe, c'était ça, c'était le pont en l'air. Non, certainement pas. Non, attends. Non, attends. C'est non. Alors, c'est, je ne laisserai pas les influences de l'anarchiste Victor venir juste ici dans nos signes. C'est le moment pour inventer une devise ou un signe. Chacun selon ses besoins, à chacun. Cool. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous toquez? Vous essayez de rentrer comme ça? Dites-moi tout. Qui fait quoi? Qui agit? Qui va suivre? C'est de souvenir, la porte était quand même assez costaud, non? Ouais. La porte fait facilement 3 pas de haut. Et elle est vraiment grosse porte, limite, pour parler aux joueurs de château, quoi. Du coup, il faut pas qu'on la défonce. Il faut qu'on genre on tape, mais une fois que la personne commence à ouvrir. Pas. Défoncer ne fait pas partie des options parce que je rappelle que tout est en métal, hein, y compris les portes. Oui. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on la joue en mode vicieux, quoi. On frappe et puis dès qu'il ouvre, on envoie le. On défonce la. Enfin, on en trouve la porte de façon violente. Ok. Alors, le hortoir. Victor, donc. Oui. Ok. Victor, tu me mets juste derrière lui. Avec une arme à feu. Du côté de, du canon. Enfin, pas du canon, je pense, du côté de. Victor, tu toques. La. On va dire, quand tu as toqué en te saisissant du hortoir, il ne se passe pas grand-chose dans un premier temps, et peut-être qu'il fait nuit. Peut-être que les gens à l'intérieur de cette maison dorment. En tout cas, le fait que tu toques réveille un peu le voisinage, parce que la maison juste en face de celle de Monsieur de Cuivre s'allume. Et quelques silhouettes semblent vous regarder, se demandant ce qui se passe à cette heure-ci. 2 silhouettes, pour être exact. Et tant que vous réfléchissez, vous entendez enfin les mécanismes de la porte se déclencher. Et le pauvre majordome utilise toutes ses forces encore pour ouvrir cette maudite porte qui est bien trop lourde pour lui. Les portes s'ouvrent. Il est là. Il ne vous a pas encore saisi. Qu'est-ce que vous faites? Et je sais qu'il y a toujours les deux qui nous regardent là-haut. Ouais, il y a les des silhouettes qui vous regardent au loin. Enfin, au loin. Ah, je mets un pied dans la porte et je rentre naturellement comme si j'y avais été invité. Ouais, je suis. Je fais masse. Je suis. On fait quoi? Bah du coup, je... Je les laisse rentrer. Je veux dire, je suis, je fais. Je les laisse rentrer en mode... Enfin, j'imagine que dans la fluidité du mouvement, ça fait genre comme c'est la pénombre, les gens vont croire qu'on est rentré sans forcer, quoi. Ça s'est ouvert. De toute façon, les portes, encore une fois, sont gigantesques, donc quand ils les ouvrent, s'enfoncer dedans, c'est assez simple. C'est assez difficile de faire corps pour le coup pour empêcher les gens de rentrer. Ouais. Donc vous rentrez. Et du coup, je me pousse légèrement. Voilà. Tranquille. Oui, vas-y. Non, rien, je me pousse et genre je mets ma main sur Hugo pour le faire rentrer, mais comme si de façon amicale, c'est genre vas-y, je te laisse passer. Quelque part, tu n'es dessus, tu fais bloc. Pour faire illusion, quoi, tu vois. Et après, je ferme la porte derrière moi. Alors pour la fermer, il faudra prendre quelques secondes, encore une fois, parce que c'est un énorme mécanisme, ça... c'est super lourd, enfin bref. Oui, non, mais je précise comme ça, je laisse les actions parce que voilà, ça ne. C'est pas genre juste claque derrière toi, quoi. Tu ne peux pas être, du coup, directement dans le truc. Bref, vous. Trois, vous voyez, le majordome un peu sonné, un peu endormi. Est-ce que. Il se passe quelque chose qui. qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je regarde les autres, je l'entends, je fais « on a quelque chose à demander ». Je vous laisse la main là-dessus, vous connaissez mon opinion. Je regarde les deux autres, on s'en fout. Je m'entourne vers lui, je donne un coup de crosse dans le crâne. Oui, d'accord. C'est parti. Ok, bah dans ce cas, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet d'escrime. Et c'est un jet d'opposition, donc je demanderais de jeter 4d6 et de faire les poules. Tu te sélectionnes 2d6. Ok, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait ça. Oh oui! Ça fait bien longtemps. T'es obligé de mettre tous les dés ou pas? T'es obligé de jouer tes 4d6, oui, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ok, moi j'aurais bien mis 2 dés en attaque et 1 en défense. Mais pas de soucis. Le bonus d'escrime s'applique à l'aller-retour, enfin au 2 du coup? Oui, oui, ça s'applique. Ah, en vrai, t'es sûr que c'est escrime et pas pugilat plutôt? Donner un coup de crosse dans le crâne d'un type? Alors, le pugilat, normalement, quasiment tous les J'avoue que je passe de 0 à 5. Pardon. Le pugilat, dans quasiment tous les univers, tous les jeux de rôle au monde, c'est le manu. Ouais, d'accord. Je trouve ça. Enfin, genre, quand je dis que. Enfin, je l'assomme, hein, on est d'accord, je lui donne pas un coup. D'accord. Oui. Bah, du coup, j'ai fait 11 et 6. Bah, si ça reste une arme à manier, c'est autre chose que donner un coup de poing, quoi. Tu me donnes un coup sec. Et malgré un réflexe qu'il a eu qui te semble quasiment surhumain, parce que à son âge, dans la pénombre, et puis t'avais pas de posture offensive, il a vraiment. Eu le réflexe d'essayer d'esquiver, mais ton coup était bien porté et honnêtement, même avec sa tentative de passer outre, tu le touches et il s'effondre au sol. Ok, je lui ligote les mains, les pieds, ça lui rappellera des souvenirs. Et je le mets dans un coin de la pièce. Genre dans le coin, là où il ne dérangera personne. Je vais le baïonner aussi, je pense. Attends, si on peut lui parler, peut-être, ça peut être intéressant quand même. Bah, là, il est assommé pour l'instant. Ah, il a une chance, hein. Ah, ouais. Il faudra attendre numéro 2. D'accord, ça marche. Bon, soit un peu, on peut le ramener dans la pièce principale. Histoire qu'il fasse ça à 60 pas, si jamais. Il y avait du ouais. Gravus. Une fois ça fini, je pense que je vais directement me diriger au niveau de. La chambre de Monsieur de Cuivre, et je vais faire des signes aux autres pour qu'on reste à peu près silencieux. De type en mode genre, toi tu te restes vers la porte, toi tu vas regarder dans la pièce d'à côté, toi tu vas regarder là. Et je pose délicatement la main au niveau de la poignée, même si pour l'instant j'apprête pas à l'ouvrir, j'attends de voir si les autres sont ok. Ouais. Je me mets à disposition de tout ça. Quand vous rentrez, vous avez une salle sur la gauche qui est fermée, c'est la chambre de Monsieur de Cuivre. Une salle juste en face, c'est là où il y a salon, l'endroit de vie où vous êtes allé. Au fond, il y a la cuisine et tout simplement, on va dire la cuisine. En vrai, c'est une cuisine un peu améliorée, c'est un luxe que vous n'avez pas, mais voilà. Et en fait, juste à côté de la chambre, il y a des escaliers qui donnent sur un étage. Moi, j'ai envie de dire aux autres. Je pense que je vais aller voir la chambre du majordome. On sait jamais si il conservait des informations, des choses sur Madame Baletti dans ses effets personnels. Et dans tous les cas, je fais signe de chuchoter. Même si le procès bientôt, c'est probablement qu'on est déjà là, mais on va faire semblant au moins. Personnellement, même si je ne fais pas part activement à tout ce qui se passe, j'ai mon pistolet à silex de dégainer sur mes gardes et j'observe toutes les sorties possibles. Je fais une espèce de ronde. Les entrées, okay. Surtout, je veux dire. Possible. Je pense également que je vais prendre un des bidonvilles incendiaires qu'on a acheté et le garder avec moi. On ne sait jamais. Ok. Eh bien, dites-moi ce que vous faites. Maintenant, vous êtes en position. Bah, si tout le monde est en position, tel que je l'avais fait la dernière fois, du même mouvement, je retourne la poignée de cette porte, une arme dégainée dans l'autre main, prête à agir. Je pose un premier pied dans la poignée pour entrer, et tu ne poses aucun pied parce que la porte est fermée de l'intérieur. Comme elle était la première fois. On l'a fait quand pour comme rentrer. Elle a toujours été. C'était le majordome qui avait la clé, c'est ça? Non, la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Et Monsieur Cube avait fait appel au majordome. Et vous êtes faufilé. D'accord, je m'en rappelle plus ça. Esther, écartez-vous. Je vais prendre mon pistolet, je vais pointer la serrure. C'est une porte en acier, hein, c'est pas une porte en bois. Et alors? Ok. Je tire de la serrure. Il y avait. Excuse-moi, juste une question. Est-ce qu'il y avait des fenêtres ou autre depuis sa chambre ou pas du tout, non? Non, la chambre est totalement isolée. Et Esther, comme tu es la seule à être entrée, tu te souviens parfaitement que on est sur les systèmes de serrure à l'ancienne, c'est-à-dire à base de barres en fait qui viennent fermer et verrouiller les portes. Du coup, une balle, on est d'accord, ça fera rien. Tu feras trop dans une barre. Deux hypothèses, encore une fois, en gissant, en chuchotant, même si là je ne chuchote pas IRL. Soit on attend qu'il l'appelle et ouvre la porte. S'il n'a pas cramé qu'on était là, on pourra rentrer. Soit on improvise et on fait un genre de levier ou un truc comme ça. Je devrais être capable de fabriquer ce genre de truc. D'improviser pour des trucs en tout cas. De souvenir, je sais plus si Kornilov t'étais doué au jeu d'acteur ou pas. Enfin, ou toi, Hugo, hein. À savoir si y a la possibilité d'imiter la voix du majordome comme s'il appelait le. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui. Parce que peut-être qu'il a entendu que ça toquait, monsieur de Cuivre, et que du coup, simuler quelqu'un. Quelqu'un veut vous voir, enfin, quelqu'un veut. A des questions, c'est important. Ok, je veux bien. Essayez. Vous voulez vraiment qu'on s'abaisse? Oui! On s'abaisse, ça? Non, mais allez-y. Parce que vous avez pas l'impression de vous abaisser depuis tout à l'heure, notre cher Esther. Non, mais c'est juste, je n'ai pas l'impression de. Frapper des vieillards, le genre de personne qui a demandé à son majordome d'aller le déranger. Hein. J'ai l'impression que de Cuivre, il ouvrait la porte quand lui, il avait envie de le faire. Je pense que ça marchera pas. Et je pense qu'une approche directe de on est là pour te buter marchera mieux. Mais en vrai, si vous voulez tenter. Allez-y. Ouais, enfin, si on rentre comment dans la pièce, si tu ouvres pas? Voilà. Donc, moi, je pense que justement, cette approche est tout à fait idiote. Désolé de. On va te buter. Moi, j'ouvre la porte. Mais bien sûr, on parle des procédimentaux, on parle pas de vulgaire. Il suffit juste de prendre sa voix et faire monsieur, ouvrez vite, une question de vie ou de mort. C'est bon. Je rigole aussi dans le jeu. Mais allez-y, il n'y a aucun souci, je respecte. Faites votre plan. Eh bien, non, je vous en prie, faites votre plan. Bah, comme vous voulez, mais juste sachez qu'on peut faire le mien après le vôtre, mais pas inversement. J'y vais. Parfait. Est-ce que je peux tenter un jet de représentation théâtre? Eh bien, cela fait un petit 15. Bon. Oh ouais. Mais... Je sais pas quoi faire, là. Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, le seul difficulté est à 16. Et d'un côté, 15, c'est pas long. Bah, un petit bonus d'idée parce qu'elle est bien. Est-ce que la perspicacité d'Hugo pourrait rentrer en compte dans le jeu et lui apporter plus un, vu que c'est un de ses traits? Mais c'est quoi tes... Le fait qu'il est très... Est-ce que ça rentre pas dans son... Le fait est très petit. Est-ce que... Ton idéal, c'est quoi? Mon idéal... Est-ce que le plus 1, ça peut être Esther qui gueule, puis ouvre ou je bute ton putain de majordome, enculé. Mais non, mais... L'idéal, c'est obtenir une bonne place dans la haute société. Ah non, bah non, ouais, c'est sûr que... Compte, je crois, et je crois que c'est ça, t'inquiète. Et t'es très qui te donnerait un bonus. Alors, bah, si, petit si ou perspicace. Si Esther hurle vraiment ça, est-ce que tu veux que je refasse le jet? Esther, est-ce que tu hurles ce que tu m'as dit ou c'était pour la blague? Mais perspicace, bah, à ça marche. À la base, c'était une proposition, mais bon, bah, du coup, si tu me l'autorises, j'y vais. Le trait perspicace, ça veut dire. Ah oui, ok. Donc, Esther, tu prends cette initiative-là de améliorer l'imitation de ton ami par évidemment. Jouer la personne qui le menace. Je joue rien du tout, je suis parfaitement sérieuse, je bute le majordome si jamais il ouvre pas. Hein. Non, mais... Jouer, c'était pour rester dans le champ lexical, ne t'en fais pas, mais ça ne change rien de toute façon que tu le joues ou pas, parce que tu n'as pas de jet à faire. Vous entendez des bruits assez étranges de l'autre côté, une espèce de râle. Et au bout d'une minute de silence, un énorme bruit mécanique. La barre de fer vient d'être tirée. Je tourne la poignée cette fois-ci, donc je mets un premier pied dans la pièce à nous. Tu rentres à l'intérieur et cette fois, tu es bien la première à rentrer dans cette salle obscure dans laquelle il n'y a aucune lumière. J'ai l'impression de revivre ce passage après le monorail entre les ruelles de Venise. Moi, je suis dans la chambre, je suis là-haut. Et derrière. Parfait. Ouais, bah du coup, je rentre dans la pièce, j'ouvre la porte, oui, je mets un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce que je vois? À l'intérieur, comme je t'ai dit, il n'y a aucune lumière. Parce que comme la première fois... Oui, là, la lumière de moi qui ouvre la porte, forcément, ça éclaire. Qu'est-ce que je vois pour l'instant? Tout à fait. J'avais pas pris en compte le fait que tu avais un éclairage. Eh bien, ce que tu vois, c'est simplement une chambre vide, comme la première fois, un seul meuble à côté du lit, et un lit. Avec... à l'intérieur, cette forme, cette chose qui dépasse à peine des draps qu'il recouvre. Que voulez-vous? Vous savez très bien qui nous sommes et vous savez très bien ce que nous voulons. Je comprends pas qui vous êtes. Vous cacher ici n'aura pas suffi. Hein. Vous jouez de nous la dernière fois que nous sommes venus. C'était pas suffisant. En plus de ça, il fallait faire croire à nos supérieurs que nous avions assassiné Cagno. Vous êtes... les métropolites. Il entend juste le déclic de mon arme en réponse pointée sur lui... Okay. Esther pensant sincèrement que tout pourrait se régler d'une pression sur sa gâchette. Du coup, on va rentrer nous aussi, j'imagine, un moment. Moi, je suis là-haut. Hein. Je suis pas avec moi. Toi, tu es là-haut. Il est encore temps, avouez tout et nous saurons nous montrer clément. Que voulez-vous que j'avoue? Je n'ai rien fait. J'éclaire la pièce, j'allume, je craque soit une allumette, soit quoi que ce soit que j'avais prévu pour foutre le feu. Je sais pas si c'est briquet ou allumette le plus couramment utilisé ici. Sauf qu'au lieu de mettre le feu comme c'était prévu initialement, j'en profite juste pour illuminer l'endroit. Ah, ce sont des briquets parce que les allumettes sont faites en bois. Oui, c'est ça. Et même pour la petite anecdote, le briquet a été inventé avant les allumettes. C'est vrai, tu l'avais dit. Et du coup, tu éclaires un peu. Alors, il y a finalement de quoi éclairer. Il y a des cierges par-ci par-là, mais très très peu. Et tu sens que la personne qui vit n'a pas l'habitude de connaître la sensation de la lumière. Ça éclaire cette salle. Cette salle toujours vide. Où les seules choses qui la composent, c'est ce lit, ce meuble et quelques déchets par-ci par-là. Des assiettes, d'anciens repas pas encore ramassés. Et toute cette mécanique a été faite pour qu'il puisse ouvrir la porte quand il le souhaite. Cette ville est actuellement jonchée par les flammes. Elle va bientôt finir en cendres et vous êtes un parasite, une maladie qui l'avait animée pendant trop longtemps maintenant. Je vous ai soutenu. Et nous allons vous soutenir à notre tour. Nous allons vous purifier, ne vous en faites pas. De quoi parlez-vous? Moi, j'aimerais dégainer mon fleuri. Je ne comprends pas. Moi, je continue d'allumer tous les cierges tranquillement pour essayer d'y voir au possible. C'est vous la bête. Nous le savons. Avouez. Je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'un mort pour cette ville. Que délige. Parlez-nous du mal qui vous habite. Confessez-vous. Il est caché sous une espèce de drap, c'est bien ça? Il est caché sous des draps, effectivement. Eh bien, je tire la couverture. Tu tires la couverture et tu révèles une personne, si je peux appeler ça personne, tu révèles plutôt une forme humanoïde totalement déformée, mais à un point où, en fait, c'en est même écœurant à regarder. Tu vois, elle n'a rien d'humain, elle a une tête, un corps et c'est tout, le reste c'est des excroissances, des membres coupés, tu saurais dire. C'est un spectacle qui, à vous trois, qui vous terrorise un peu. C'est un spectacle que vous n'avez jamais vu sur la toile jusqu'à aujourd'hui. Et dire que vous avez réussi à m'échapper la première fois. Mon majordome était là au bon moment, mais où est-il? Dans les vapes. Répondez à mes questions. Je réponds. Je suis malade. Vous êtes un céphale? Non. Ou du moins, je ne crois pas. Je n'ai jamais développé de... Êtes-vous capable? Allez-y, je vous en prie. De... capacité de... conneries du genre. Je n'ai fait que... perdre mon identité sans rien avoir, toi. Pouvez-vous vous lever, vous déplacer? Je ne peux pas. si je me lève, je ne tiens pas et... et mon corps sera trop fatigué pour que je tienne. Mais alors, comment faites-vous pour ouvrir la porte? Mon bras est fonctionnel, mais on ne marche pas sur les bras. À quelle distance qui sépare la porte de selon son lit? Quelques pas. Quelques pas, et comme je disais, c'est tout un mécanisme qui fait que depuis son lit, en fait, il a juste à tirer une énorme barre de métal qui va tirer tout le reste, en fait, et libérer la porte. Tu m'as dit qu'il y avait un unique meuble dans la pièce. Il ressemble à quoi exactement, ce meuble? C'est vraiment une pile de métal sur lequel, en fait, du coup, ils vont mettre deux, trois trucs qui traînent. Donc là, il y a un cierge, il y a une assiette vide, et puis voilà, quoi. Mais dedans, il y a des trucs de rangés, genre comme une caisse? C'est un bloc? Pas ou du tout. C'est vraiment juste c'est un bloc. Il n'y a rien dedans. Tu peux pas l'ouvrir. Et il y a juste l'extérieur, en fait, la surface qui permet de poser des objets. Et sous le lit? Tu te penches sous le lit. Et le lit en dessous est vide, à part de la poussière et peut-être un fuligement mort, il n'y a rien d'autre. Vous entendez normalement mes pas dans l'escalier qui descend un peu rapidement. Parfait. Kornilov. Bon, ce soir, il sait que c'est nous. Bon. Oui, on s'est vendu. On avait dit qu'on était les métros. Ouais, il sait que c'est nous, de toute façon. Viens. Oui, je lui ai dit qu'on était les métropolitains. Ouais, non, il sait que c'est nous. Oui, oui. Viens. Astor et Hugo, évitez de terminer entre temps. Et je suis Victor. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans sa chambre. Là, je te montre. Dans la main, j'ai des vêtements de femme. Sous le lit du majordome. Des vêtements que, comme tu peux le voir, pourraient très bien porter une Baletti ou une Asinati. C'était sous son lit au majordome? Oui. Est-ce que ça signifie que c'est lui qui se déguise? Je sais pas. Quelqu'un d'autre. Ou alors quelqu'un d'autre est ici et on ne le sait pas. Mais je pense qu'il faut le réveiller et lui tirer les verres du nez. Il pourra pas nous mentir cette fois-ci. Pendant ce temps-là, je demande à notre cher monsieur de cuivre, êtes-vous il procedimento? Sous cette forme immonde qui est la vôtre, êtes-vous capable de changer de forme et de vous déplacer tandis que vous utilisez votre maladie comme excuse le reste du temps? Est-il comme vous? Le connaissez-vous? Le cachez-vous? Je ne connais pas. Qui est cette personne? Vous savez... L'assassin, masqué. Celui qui frappe dans l'ombre. Ses victimes disparaissent tous de Pstizy. Vous n'en avez donc pas entendu parler, vous qui êtes l'homme le plus puissant de cette ville? Ah, lui. Oui. Je n'ai pas de rapport avec lui, non. Je suis désolé. Vous mentez, nous le savons. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'on sent qu'il est honnête quand il nous parle? Alors, je vais être honnête avec vous, mais là, tout ce qui est jet va être très compliqué pour la perception, étant donné que ce que vous avez face à vous n'est pas un être humain habituel. Vous n'êtes pas habitué à en pâtir de ce genre de choses. Vous savez, une erreur de la nature mourra ce soir. Mmh. Nous n'avons plus rien à perdre. J'espère que vous vous trompez pas de... d'erreur. Moi, je suis l'erreur qui a des liges. Pas celle qui tue les gens. Je colle mon arme sur sa tempe et je lui dis vous avez X secondes pour... Enfin, ça veut dire 10 secondes pour me donner quelque chose que je sais pas déjà. Je fais pas de décompte, mais... Ok. Quant à Kornilov, Victor, que faites-vous de votre côté? Bah nous, on va aller voir le majordome et le remettre sur pied. Avec ouais. Des petites tapes. On lui déverse une bouteille sur le visage. Ouais, hein, voilà. Ok, vous lui faites un entre guillemets un électrochoc et ça marche. Contre toute attente, vous dites que la blessure assez récente n'aurait pas dû fonctionner, mais il semblerait que dans sa petite esquive, il a au moins réussi à faire en sorte que l'impact d'Esther soit moins puissant que ce qu'il aurait pu être. C'est déjà ça de prix. Il se réveille totalement en panique, reprenant son souffle d'un coup. Vous avez... Et il est juste en train de respirer, il dit rien. Je vous laisse prendre la parole. Finis les mensonges. J'étais pas là quand mes camarades se sont occupés de vous, au-dessus des crimes. Mais maintenant, il va falloir dire la vérité. Je considère que vous avez retiré le baillon, évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas de mal à Monsieur de Cuivre, il n'a rien à voir là-dedans. On s'en fout. Pour l'instant, on veut des réponses. Et probablement que si vous nous donnez les réponses, Monsieur de Cuivre n'aura pas à subir les conséquences de vos mensonges. Pendant ce temps-là, Esther recouvre d'huile Monsieur de Cuivre. Parfait. Tu commences à le recouvrir pendant qu'il lui commence à simplement se foquer. Mais je n'ai rien à vous dire, je suis juste... L'homme qui paye... Je pose ma main sur l'épaule d'Esther de façon très ferme. Et je chuchote. Tu vas trop loin. Je n'ai pas le majordome dans les crimes. Du côté du... Je n'ai pas le plancher du côté du majordome dans les crimes, Esther. Il y aura la suite juste après. Du côté du coup du majordome. Vous voyez qui... Que voulez-vous savoir? Ça vous parle? Non. Je leur avais dit d'être plus prudent. Oui, ça me parle. Qu'est-ce que les choux disent ne... Ben, la vérité, tout simplement. Dites-nous la vérité. Je n'ai qu'un mot à dire à Esther et... Chuté. Vas-y, je laisse finir ta phrase. Je n'ai qu'un mot à dire à Esther et... Vous n'aurez plus qu'à... À vous en vouloir pour ce qui se passera après. Du côté d'Hugo, Esther, tu sens cette main. T'as Hugo qui prononce ces mots. Comment tu réagis? Je pense que dans un premier temps, je m'arrête de bouger, mais je maintiens le bidon dans une position suffisamment penchée pour que l'huile continue de s'écouler sur le corps de ce pauvre monsieur de cuivre. Mais techniquement, je m'arrête de bouger et je réfléchis intensément en regardant cette espèce de gangrène échelle humaine que j'ai face à moi. Et d'un autre côté, j'avoue que ça aurait été quelqu'un d'autre que Hugo, j'aurais peut-être pas forcément écouté, mais là, l'appel qu'il a fait par rapport à les crimes et au majordome, mine de rien, va faire... fait écho en moi, je repense à tous ces trucs, à toutes ces choses qu'on a vécues dernièrement, à tout ce qu'on risque là ce soir, au fait que, a priori, dans tous les cas, je ne peux pas me permettre de laisser témoin qu'on est déjà allé trop loin, que probablement il va falloir cramer tout ce qui se trouve ici. Mais dans un premier temps, je remonte le bidon. Je m'assois juste au niveau de la table et des cierges, en n'effleurant les bougies des doigts, presque pour redécouvrir le plaisir de ressortir quoi que ce soit. Et je, tout en continuant de pointer mon arme sur Monsieur de Cuivre, je lui demande de me parler de tout et de rien sur sa maladie, de comment est-ce que ça a commencé, etc. Comment est-ce qu'il pense l'avoir attrapé, les premiers symptômes, les choses qu'il cache, de me dire des trucs que je ne sais pas déjà. Ok. Il va commencer à te répondre et il va te simplement raconter que ça a commencé à l'âge de 10 ans de manière très légère, juste des douleurs, et ça allait s'empirer petit à petit. Et pendant qu'il commence à raconter ça, revenons du côté de Kornilov et Victor. Vous voyez que le majordome est perdu, il sait pas quoi dire et vous commencez à insister, dis la vérité, mais... Il a aucun mot. Bah, en fait, de sa bouche, juste à un moment donné, panique, en fait, à un moment donné, j'ai un peu la toute la frustration, de ces 11 jours de d'enfermement, de questions sans arrêt, tout, qui remonte. Et donc, je crois que la pièce où est le majordome est à côté de, c'est la pièce qui est à côté de celle où est où font Esther et Hugo. Ouais. Et en gros, de l'autre côté, vous allez m'entendre hurler, mais genre de façon hystérique. T'es réponse. Tu vois que le coup de pression, le fait que ça soit si soudain, il commence à fondre en larmes et légèrement, il n'est pas non plus en pleurs, mais juste les larmes commencent à couler et je peux pas vous expliquer, mais elles pourront aller les voir de toute façon. Elles sont où? Vous avez gagné. Elles sont où? En face. Et je réalise les deux personnes qui nous regardaient rentrer. Je crois que je pars en courant pour aller pour au moins regarder par la fenêtre, je sais pas, pour voir si c'est toujours allumé, si c'est quelque chose. Kornilov, tu pars en courant. T'arrives dans la rue, tu regardes la maison qui est juste en face de celle de Monsieur de Cuivre. Hein, et tu vois la fenêtre qui est allumée, mais il n'y a aucune silhouette au niveau de la fenêtre. Pendant ce temps-là, moi, je cours voir Esther et Hugo, et je leur dis calmez-vous, faites rien, elles sont en face. À ce moment-là, Esther avait le doigt en train de danser à l'intérieur d'une flamme de l'un des cierges. Qui s'est énormément approché du bord, sachant que la chute aura entraîné a priori la mort de Cuivre, d'Estor et probablement d'Hugo au passage. Je relève juste la tête. C'est elle qui nous a regardés. C'est elle la lumière. Pressons-nous. Et je pense que du coup, je vais suivre le reste du groupe. Vous sortez de... Je m'en fous juste à la fin avant de partir. Je mets un truc pour bloquer le mécanisme de la porte pour pas qu'elle puisse être refermée. Et je lui dis, on n'en a pas fini. Ok. Et après ça, vous sortez donc de la maison. Laissant le majordome tel quel, laissant Monsieur de Cuivre. Attaché, tel hein. Ils sont attachés, hein. Enfin, il est attaché, le majordome. Oui. Oui, oui, tel quel. Vous l'avez pas oui. libéré, donc il est toujours attaché. Vous arrivez à la dans la rue, tout simplement. La porte de la maison s'ouvre, celle qui faisait face. Et une femme se tient là. Une femme aux traits très fins, aux cheveux noirs tombants. Et qui, là, dans un soupir, avant de se tirer dessus, je crois qu'on va pouvoir discuter un peu.